Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur. J'habite un village qui regorge de légendes qui vont vous épater. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fée pas très douée. Un jour, alors qu'elle révisait ses tables de multiplication, Lisa entendit un petit tintement. Elle se retourna en brandissant sa règle comme une épée, mais s'arrêta net quand elle vit une fée volter dans sa chambre. « Je suis coucou, ta marraine la fée, prête à exaucer l'un de tes souhaits. » Sans attendre, Lisa lui demande que Houpette, sa peluche préférée, soit transformée en vrai poney. Sauf qu'il se fenda en brocoli moisi. Coucou, fort ennuyé, secoua sa baguette, puis s'enva l'étoile qui la surmontait par une bulle de cristal. Et bim, Houpette redevint une mignonne peluche. Ça veut dire que je n'aurai pas de poney ? J'ai bien peur que non, mais ton prochain souhait sera exaucé. Promis ! Quoi de bois, quoi de fer, si je mens qu'on me change en pomme de terre ? Alors, je veux que ma fée se transforme en navette spatiale. Mais elle se transforma en un tas de cendres. Lisa fut privée de sortie pendant un mois. Et coucou, la pauvre croyait vraiment y arriver. Mais comme un ferment est un ferment, elle se transforma en une patate déguisée en fée qui trouva une place de soie sur les tavernes de Lisa. Vous connaissez le podcast Chronique de l'intérieur ? Découvrez sans tarder cette fiction décomplexée qui libère la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, le transit. On y suit Lou, une trentenaire dynamique. Le hic, c'est que Lou est constipée et ça lui gâche un peu la vie, partout, tout le temps. Suivez son quotidien drôle et touchant, entouré de ses amis, puis sa rencontre avec des experts qui nous éclairent sur le sujet. Chronique de l'intérieur, une série d'un genre nouveau, présentée par Épar, disponible sur votre application de podcast préférée et sur épar.fr.